radio en direct, émissions à la demande, podcasts originaux, découvrez l'application Radio France. Toutes vos radios en une seule application. La conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, d'où vient que les sportifs devraient étudier la physique ? Parlons, une fois n'est pas coutume, de football. Voyez ces coups francs qui semblent impossibles. Le gardien de but et les joueurs qui forment le mur contemplent médusés le ballon décrivant une trajectoire courbe qui contourne le mur et finit par se loger dans le coin le plus inaccessible de la cage. On dirait de la magie, mais non, en réalité, c'est de la bonne physique, bien comprise et bien appliquée. Et cette conclusion ne vaut pas que pour le football. D'une façon générale, la physique éclaire toutes sortes de pratiques sportives. Elle permet par exemple de répondre à des questions telles que « Pourquoi les sprinteurs décélèrent-ils avant la ligne d'arrivée ? Pourquoi est-on penché dans les virages ? D'où vient qu'un voilier peut avancer plus vite que le vent ? Pourquoi, à vélo, il ne faut pas trop baisser la tête, même si on veut avoir l'air d'un coureur ?» Afin de nous aider à mieux comprendre comment les lois physiques déterminent nos activités physiques et sportives, j'ai invité Amandine Aftalion, que j'ai le plaisir de recevoir en direct. Bonjour. Bonjour Étienne Klein, bonjour à tous. Vous êtes mathématicienne au CNRS et vous êtes l'auteur d'un livre qui vient de paraître, qui s'intitule « Pourquoi est-on penché dans les virages ? Le sport expliqué par les sciences en 40 questions ». Alors vous êtes... Amandine Aftalion, vous êtes mathématicienne ou physicienne ? Quand on vous lit, on ne sait pas trop. Oui, donc comme vous avez présenté ce livre, il y a beaucoup de physique dans ce livre. Donc moi, je travaille au CNRS en tant que mathématicienne, mais sur des sujets totalement à la frontière. Et je publie aussi bien dans des revues de physique que des revues de mathématiques. Mais ce livre contient probablement plus de physique que de mathématiques. Mais votre spécialité de recherche sont ce qu'on appelle les condensats de Bose-Einstein. C'est un truc de physique quantique, ça. Oui. Donc j'ai travaillé sur des... Mon outil mathématique, c'est la minimisation d'énergie. Donc les condensats, c'est la matière à très basse température, proche du zéro absolu. Là où les atomes ne bougent quasiment plus. Et donc on peut les modéliser par ce qu'on appelle une fonction d'onde. Et perdent toute forme d'individualité, en fait. Voilà, c'est ça. Ils forment une sorte de gaz dans l'état. Ils sont tous dans le même état, le même état quantique, et donc on peut les modéliser par une seule fonction d'onde qui les représente tous à la fois. Mais vous m'accorderez que ce sujet ne conduit pas directement à l'étude des lois physiques dans le sport. Qu'est-ce qui vous y a amené ? Donc ce qui est sûr, c'est que, ça, comme je disais, on minimise une énergie, et dans le sport, on minimise une autre énergie qui est l'énergie humaine. Donc la pratique sportive, en tout cas pour ce qui est de la performance, elle consiste à optimiser son effort, optimiser son énergie, aller le plus loin. Il y a toujours un problème un peu économique de comment faire le meilleur temps, la meilleure performance, en utilisant le moins d'efforts d'une certaine manière. Et ça, derrière, il y a un problème, ce qu'on appelle en mathématiques contrôle optimal, ou en tout cas une minimisation d'énergie. Donc un coureur de 100 mètres en athlétisme, ou de 200 mètres, ou de 400 mètres, ou de 800 mètres, il optimise quelque chose. Pas toujours la même chose selon les distances. Voilà, donc le but, c'est quand même de faire le meilleur temps. En général, c'est ce qu'on attend du coureur. Qu'il fasse le meilleur temps avec l'énergie qu'il a disponible et en s'épuisant le moins possible. C'est-à-dire qu'on préfère qu'il ne s'allonge pas sur la piste avant la ligne d'arrivée. Alors par exemple, j'ai posé dans mon introduction une question à laquelle vous répondez d'ailleurs dans l'un des chapitres de votre livre. Pourquoi est-ce que les sprinteurs sur un 100 mètres par exemple freinent avant la ligne d'arrivée ? Enfin, ils freinent, c'est pas volontaire, mais en tout cas, ils vont moins vite sur la ligne d'arrivée que quelques dizaines de mètres avant. D'où est-ce que ça vient ? Pourquoi est-ce qu'ils n'accélèrent pas tout au long de cette distance qui est relativement courte ? Alors en fait, ils font ça parce que c'est la meilleure façon de courir. Alors même sans avoir étudié les lois de la physique ou sans avoir posé les équations, ils s'en sont rendus compte. C'est-à-dire si on part trop doucement, entre guillemets, et qu'on décide de faire un 100 mètres en accélération, on mettra plus de temps, et ça on peut le prouver avec un théorème et écrire la preuve, que si on part le plus fort possible... Mais si on parle le plus fort possible en y mettant toute sa force, vous concevrez qu'on ne fait pas 100 mètres à fond. C'est pas possible. La physiologie humaine ne le permet pas. Donc, en fait, ils partent complètement à fond. Et on voit qu'au bout de 60, 70 mètres, ça dépend pour les meilleurs champions, ils tiennent plus leur vitesse maximale et ils commencent à aller un tout petit peu moins vite. Donc ça, ça vient du fait qu'ils sont partis avec la force de propulsion la plus forte possible, et que cette force de propulsion maximale... Elle n'est pas tenable, même pour Usain Bolt, sur 100 mètres. Usain Bolt, dont l'anagramme est « il nous bat ». Ah ça, je ne savais pas. Mais alors justement, d'où est-ce que les muscles tirent leur énergie ? Vous expliquez ça très bien, mais c'est passionnant, parce que ça montre comment ça se passe sur un 100 mètres. C'est différent d'un 400 mètres, et c'est différent de courses plus longues comme le 10 000 mètres ou le marathon. Donc il y a deux sources. Donc le principe, c'est qu'il faut transformer l'ATP en ADP. L'ATP, c'est quoi ? Adénosine diphosphate, adénosine triphosphate. Donc il y a des règles. Le tri, c'est le ATP, le 10, c'est le ADP. ADP. Donc on transforme l'ATP en ADP. Oui, je crois que c'est ça. C'est ce que vous avez écrit. Et donc pour ça, il y a deux types de réactions selon que l'effort est intense, rapide, ou selon qu'il est long. On a deux grosses sources de carburant dans le corps humain. Il y a la plus évidente, c'est l'oxygène, c'est celle qui dure le plus longtemps. Donc ça, c'est celle qu'on utilise le plus dans les courses d'endurance. Et il y en a une autre qui est ce qu'on appelle anaérobie, c'est-à-dire qui ne vient pas de l'oxygène, qui vient de plusieurs sources différentes selon la longueur de l'effort, et qui vient essentiellement du glucose, pour faire simple, et qui est utilisé au tout début de course. Donc on dit souvent les coureurs de 100 mètres courent en anaérobie, ça ne veut pas dire qu'ils ne respirent pas pendant la course, ça veut juste dire qu'ils utilisent à peu près à 70-75% l'énergie anaérobie, et un tout petit peu l'énergie aérobie. Mais ce qu'on vient de montrer en fait dans un article qui est en train d'être référé, c'est que plus les coureurs sur des 200 mètres, des 400 mètres ont en fait une VO2 élevée, c'est-à-dire une capacité aérobie élevée, et plus ils vont être capables de ne pas trop décélérer en fin de course. Donc en fait, il y a vraiment un équilibre entre les deux, même sur les courses courtes qu'on court en anaérobie. C'est-à-dire que sur le 100 mètres, on court en fait sur ses réserves. Et si c'est des distances plus longues, l'oxygène qu'on absorbe oxyde les graisses et les muscles, c'est ça ? Voilà, les graisses et les sucres, pardon. Voilà, mais en fait, il y a un mécanisme, c'est assez bizarre, un mécanisme de rétroaction qui fait également que sur les courses longues, quand l'organisme se rend compte que le stock anaérobie est trop faible, en gros atteint un tiers des réserves. Donc vous qui faites du trail, peut-être vous sentez ça, le un tiers des réserves. Enfin, en tout cas, ça a été mesuré. Quand l'organisme atteint un tiers des réserves, le système aérobie va diminuer. Donc c'est très important pour les gens qui font des courses un peu longues, j'irai à partir du 5000, du 10 000 mètres, du marathon, d'arriver à tenir leur VO2 aussi longtemps que possible. Et s'ils la tiennent pas trop longtemps, il faut pas courir trop vite. À mon avis, d'Aftalion, dans votre livre, il y a beaucoup de choses qui concernent l'athlétisme, notamment le fait que les coureurs dans les virages sont penchés. Pourquoi ils sont penchés ? Les patineurs sont encore plus penchés, les cyclistes sont également penchés. Les motards aussi. Les motards encore plus, ils peuvent même toucher le sol avec leurs genoux ou leurs mains. Donc ça vient d'une loi de physique que moi j'aime beaucoup, qui est un peu abstraite, mais qui veut dire beaucoup de choses. C'est une force qui est un peu fictive, parce que quand je touche la table, quand j'attrape quelque chose, j'ai une force de contact. La force qui fait se pencher, c'est ce qu'on appelle la force centrifuge. Alors, la façon dont j'aime bien l'expliquer, c'est la suivante. Si vous êtes dans une voiture, vous n'êtes pas le conducteur, il y a le conducteur qui freine tout d'un coup, vous êtes projeté en avant et vive la ceinture de sécurité, ça vous évite d'aller dans le pare-brise. Alors pourquoi ? Parce que votre corps en fait a une certaine inertie, c'est-à-dire il a envie de rester à l'endroit où il aurait dû être. La voiture... Et à la vitesse. À la vitesse, voilà, à laquelle il aurait dû être, c'est-à-dire vous avancez à vitesse constante. Si on freine, vous devriez être beaucoup plus en avant que là où vous êtes. Et dans les virages, c'est pareil. Votre corps a envie de rester à l'endroit où il aurait dû être. C'est-à-dire, si vous aviez continué en ligne droite, vous seriez beaucoup plus à droite, disons, dans un virage à gauche. Et donc, pour contrer cette force qui est une espèce de force d'inertie qui a envie de vous laisser là où vous étiez, vous êtes obligé de contrer cette force en vous penchant dans le sens inverse. Donc, cette force, ça s'appelle la force centrifuge. on la connaît exactement, elle est proportionnelle à la masse, au carré de la vitesse, c'est-à-dire la vitesse fois la vitesse, et elle est inversement proportionnelle au rayon de la piste. Donc, c'est-à-dire si vous êtes sur un virage qui est très serré, ou si vous êtes à vitesse très grande, les motards, à ce moment-là, la force est très grande et c'est pour ça que vous êtes très penché. Alors souvent, on n'imagine pas pour les coureurs qui sont penchés parce qu'ils ne sont pas très penchés. Usain Bolt, il est penché entre 10 et 15 degrés, ça dépend des pistes d'athlétisme parce qu'elles ne sont pas toutes pareilles. Et 10-15 degrés, si on fait un petit calcul rapide à une vitesse de 10 mètres par seconde sur un stade de rayon 35 mètres, 36 mètres 50, on se rend compte que ça fait une force qui est le tiers du poids. Et le tiers du poids, ben, c'est beaucoup. Donc ça fait de l'énergie à dépenser en plus. Voilà. Alors, ça détermine le choix des rayons de courbure des pistes d'athlétisme. Quand le rayon, parce que cette force centrifuge, elle croît comme le carré de la vitesse, oui, et comme l'inverse du rayon. Donc si on veut la diminuer, eh ben, il faut soit ralentir sa vitesse, qui n'est pas le but d'une course, soit augmenter le rayon de la piste. Voilà, donc éviter en particulier des petits rayons. Or, il y a deux types de stades qui ont été construits historiquement. Il y a des stades qui sont formés de lignes droites et de demi-cercles. Donc là, la taille du demi-cercle, le rayon du demi-cercle est fixé en fait par les stades de football, c'est-à-dire que la piste doit contenir un stade de foot. Doit contenir un stade de foot. Donc un stade de foot, c'est 73 mètres de large. Donc on a la moitié de 73 mètres, ça fait 36 mètres 50. Mais il y a des stades un peu plus compliqués qui sont dits en anse de panier avec des rayons de plusieurs cercles. Alors parce qu'à l'époque, on croyait qu'en allongeant la ligne droite et en serrant un peu plus le virage, ce serait meilleur. Et en fait, c'est faux parce qu'on a des morceaux de cercle à 24 mètres de rayon. Et ça, c'est très, très mauvais pour la performance. Et les coureurs, sans aller mesurer le stade, la piste, ils le sentent très bien. C'est-à-dire qu'ils savent qu'il y a des pistes d'athlètes sur lesquelles on court mieux que d'autres. Mais si je suis votre raisonnement, ça veut dire que plus la ligne droite est courte, mieux c'est. Oui, donc. Mais si on pousse le raisonnement jusqu'au bout, le mieux serait qu'il n'y ait pas de ligne droite du tout, c'est-à-dire que la piste soit circulaire. Alors, vous ne croyez pas si bien dire, mais il y a eu un article dans L'Équipe, dans les années 60, qui a écrit... Je ne savais pas lire à l'époque. Qui a écrit « Pourquoi ne fait-on pas en France des pistes circulaires ?» C'est-à-dire, les gens se sont posé la question, ont fait des petits calculs et sont arrivés à la conclusion qu'effectivement, la meilleure chose pour la performance, c'est étendre le plus possible le rayon. Et donc, c'est faire une piste circulaire. Alors, je ne connais pas la suite de l'histoire, mais il se trouve que ça n'a jamais été construit. C'est sûr que ce n'est pas bon pour les spectateurs. Ça fait un diamètre de 120 et quelques mètres. Oui, ça fait 63 mètres de rayon, quelque chose comme ça. Donc, ça 126. Fait 126 mètres. Donc ça fait des spectateurs très loin. Et puis surtout, à l'intérieur, on aime bien le principe du stade multisport. Et le stade multisport en athlétisme, il y a quelque chose qui est le javelot. Et le javelot, surtout avec l'amélioration des performances, de la technologie des javelots, il lance de plus en plus loin. Et donc sur un stade circulaire, on n'aurait pas la place de lancer le javelot. Et il faut une ligne droite pour le 100 mètres. Il faut une droite pour le 100 mètres, mais ça, à la limite, on peut la faire à l'intérieur. Enfin, on pourrait tout imaginer. Donc, par contre, il y a quelque chose, je ne sais pas si vous avez regardé les championnats du monde à Budapest, ils ont essayé d'améliorer les choses en faisant les courses en couloir de la ligne 2 à 9 plutôt que 1 à 8. C'est-à-dire maintenant, sur les nouveaux stades, les vieux stades n'ont que 8 couloirs. Mais les nouveaux stades, et Budapest a été construit pour les championnats du monde, ont 9 couloirs. Et dans les courses en couloir, ils essaient de mettre les athlètes sur les lignes 2 à 9, ce qui évite la ligne 1, donc limite le rayon des virages. Alors justement, on va faire une expérience de pensée. Imaginons que je sois sélectionné pour une finale de 200 mètres. Oui. Donc il y a une partie de la course qui se fait en virage. D'ailleurs, le départ se donne dans un virage. Tous les coureurs ne sont pas au même niveau. Il y a 8 couloirs, disons, lequel, si j'ai le choix, dois-je choisir ? Donc ce sont les couloirs du milieu. Ça, on a fait un calcul. On voit que les couloirs... Alors, disons, pour simplifier, on va faire le calcul dans les couloirs 1 à 8. Donc, c'est les couloirs 4, 5, 6 qui sont les meilleurs couloirs. Si je suis à l'extérieur, je ne vois pas les coureurs. Il n'y a pas de coureur devant moi. Voilà. Alors, c'est un avantage d'avoir un coureur devant soi, parce qu'on n'a pas à choisir la vitesse. Elle est en quelque sorte choisie par celui qui est devant, qui sert de référence. Et puis, le cerveau humain a quand même une tendance à essayer de rattraper celui qui est devant. Donc ça, on dit toujours, ça dépend des coureurs. Il y a des coureurs qui sont plus ou moins sensibles à ça. Mais quand on fait des mesures, on se rend compte que quelqu'un qui fait un 400 mètres derrière un lièvre peut gagner jusqu'à une seconde par rapport à courir tout seul. Donc si je suis à l'extérieur, j'ai pas de lièvre, mais j'ai une courbure faible, voilà. Ce qui m'avantage. Oui. Et si je suis à un couloir qui est tout à fait au bord de la... C'est la catastrophe. Je vois des coureurs devant moi, mais j'ai une courbure très forte. Voilà, la force centrifuge sur les deux premiers couloirs est vraiment trop forte par rapport à l'attraction du coureur devant. Mais justement, ils sont pas tirés au sort, les couloirs, ils sont donnés aux meilleurs. Oui. Les meilleurs couloirs sont donnés aux meilleurs, ce qui fait que les plus mauvais n'ont aucune chance de devenir très bons. Voilà, donc les meilleurs couloirs sont... Après les tirages au sort, les demi-finales, etc., pour une finale, les couloirs centraux sont donnés aux quatre meilleurs coureurs. Et ensuite, 7 et 8 sont tirés au sort sur les deux suivants, et 1 et 2 sur les deux derniers. Donc, il n'y a aucune chance de voir un gagnant sur les couloirs 1 ou 2. Mais alors, si on suit votre raisonnement, si on prend des courses plus longues, 800 mètres, 1500 mètres et autres, quand les coureurs se rabattent, ils devraient se rabattre ailleurs que sur la ligne qui est la plus refermée. Vous raisonnez très bien. Donc, moi, j'en ai parlé avec les instances de World Athletics, la Fédération Internationale d'Athlétisme. On a eu de longues discussions. On a fait des calculs, effectivement, dans nos papiers, qui montrent que, par exemple, sur un 10 000 mètres, on pourrait gagner jusqu'à 5-6 secondes si la course n'était pas rabattue en ligne 1, mais sur une autre ligne. Enfin, on peut imaginer après toutes sortes de règles. Donc, si vous voulez, pour ces instances, il y a deux choses. La première, c'est qu'il y a une inertie qui est énorme. Culturelle. Donc, changer une règle, oui, c'est ça, culturelle. Changer une règle, il va falloir une très, très grosse force pour que ça se fasse. Donc, ils sont conscients de la chose, ils en ont pris conscience. Ils vont y réfléchir. La personne qui s'occupait de ça, avec qui j'ai parlé, vient de prendre sa retraite au 1er septembre. Donc, c'est un nouveau travail avec le successeur de voir. Mais un de leurs arguments était de dire, voilà, on a eu des records de cette manière. Si on change la piste, ça va changer le record, ça n'aura plus le même sens. Est-ce que ça... Alors que pourtant, il y a plein de sports où on change les règles qui font qu'effectivement, ça fait évoluer les records. Mais ce serait une façon de faire évoluer les records d'athlétisme. J'ai deux questions assez naïves, Amandine Aftalion. La première, c'est... Pourquoi est-ce qu'on plie les bras quand on court ? Ça, c'est de la physique, donc ça va vous plaire. Quand on a un pendule, quand on veut faire osciller un pendule, je ne sais pas si vous avez ça en tête, plus le fil est long, plus c'est dur. Plus ça demande un effort, en fait, de faire osciller. Donc un pendule, c'est un fil avec une masse au bout. Donc on a envie de raccourcir la tige, la lanière, le fil, pour faire mieux osciller. Et les bras, la meilleure façon de les raccourcir, c'est de les plier. Et d'un autre côté, qu'est-ce qui oscille ? Donc en fait, quand on n'est pas une voiture, on n'est pas une moto, on n'est pas un vélo. On a deux jambes. Et les deux jambes, elles avancent une hanche d'abord et l'autre hanche ensuite. Donc il y a un mouvement de rotation quand on marche, quand on court, et qui fait que pour garder l'équilibre, si on tournait tout le corps du même côté, on aurait tendance à tomber. Donc quand je tourne ma hanche d'un côté, pour rééquilibrer, j'ai envie de tourner mon épaule dans le sens inverse. Et là-dessus, j'ai un mouvement de pendule sur lequel je ne veux pas avoir une tige, un moment trop important, donc je vais plier les bras. Donc le mouvement des bras, il est compensatoire du mouvement des jambes. Voilà, c'est ça. La deuxième question, Maïs, c'est pourquoi est-ce qu'on court sur une piste d'athlétisme dans le sens inverse des aiguilles d'une montre ? C'est culturel ou il y a des raisons physiques ? Non, alors ça, le pourquoi est-ce que ça a été fait, ça je ne sais pas exactement à quel moment et pourquoi ils ont fait cette règle. Pourquoi est-ce que c'est mieux ? Pourquoi est-ce qu'on court mieux comme ça ? Personne ne le sait vraiment. Par contre, ce que je connais, c'est une expérience dans le désert où on met des gens et on les laisse évoluer. Et en fait, une majorité de gens vont tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Alors, j'ai fait une autre expérience, c'était quand vous avez deux chemins, est-ce que les gens vont plutôt aller à droite ou à gauche ? Alors, vous pouvez dire, est-ce que c'est en fonction des idées politiques ? Ou de la place du soleil. Oui, voilà, il y a beaucoup d'autres choses qui peuvent entrer en ligne de compte. Mais en tout cas, dans le désert, ils ont tendance à tourner vers la gauche. Alors après, il y a toutes sortes d'explications qui sont données. Est-ce que c'est lié à la place du cœur ? Est-ce que c'est lié à la forme du cerveau ? Est-ce que... je crois que personne n'est complètement d'accord aujourd'hui sur la raison. Le fait est, c'est qu'on court mieux en tournant dans le sens actuel sur les pistes. Mais ce que vous dites dans le livre, c'est quand on a fait des tests, les coureurs, quand ils tournent dans le sens inverse des aiguilles de montre, ont des performances meilleures que dans l'autre sens. Oui, mais peut-être parce qu'ils sont moins habitués. Voilà, ça c'est difficile de connaître la raison. Il n'y a pas encore, je dirais, d'études scientifiques solides pour l'explication. Alors, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on change de sport ? On va passer au lancer du poids. Pourquoi est-ce que le meilleur angle pour lancer un poids, par rapport à l'horizontale, c'est 42 degrés ? Est-ce que les lanceurs de poids sont au courant ? Je pense que les lanceurs de poids sont au courant. Donc il y a plusieurs choses. De façon générale, d'ailleurs, c'est une question. Est-ce que les sportifs connaissent toutes les règles physiques que leur activité sportive met en jeu ? Alors, je pense que ça dépend beaucoup des sports. Je pense qu'il y a beaucoup de sportifs qui pratiquent un sport de manière intense, qui empiriquement, comme font les physiciens historiquement, empiriquement se sont rendus compte d'un certain nombre de lois, d'un certain nombre de faits, et l'appliquent et le mettent en pratique. Alors, juste pour revenir à la course, par exemple, Zatopek est quelqu'un qui a découvert un certain nombre de choses que les gens ont compris physiologiquement après. Donc, je pense que, voilà, il y a un certain nombre de lois physiques que les gens découvrent empiriquement à force d'expérimenter. Après, il y a des choses qu'on met en équation et qu'on comprend en mettant en équation. Et ensuite, quand on met bien en équation, qu'on avance dans la compréhension des équations, parfois on arrive à prédire des choses qu'on n'avait pas forcément imaginées. Donc, moi, il y a quelque chose que j'aime bien expliquer, c'est dériver une fonction. Ça, c'est quelque chose qu'on apprend en fin de lycée. Quand on a une fonction, après, on aime bien en comprendre ses variations. Donc, quand on lance le poids ou quand on lance quelque chose, la trajectoire, en tout cas pour un poids, pour un ballon assez lourd, n'est pas trop impactée par le vent. Donc, c'est une trajectoire qu'on nomme... La résistance de l'air. Oui, pardon, la résistance de l'air, merci, qu'on nomme parabolique. C'est la plus simple des trajectoires qu'on peut comprendre. Et donc, pour une parabole, on sait tout calculer, et on sait en particulier calculer, en fonction de la hauteur du bras avec laquelle on lance, quel est le meilleur angle pour atteindre le sol le plus loin possible. Et il y a quelque chose d'assez intéressant avec les dérivés, c'est qu'une fois qu'on sait dériver, on peut étudier les variations. Parce que quand on lance le poids, il y a, quel est exactement l'angle à laquelle je me mets? Est-ce que je mets mon bras un peu plus haut, un peu plus bas? Je change mon angle? Est-ce que je change la vitesse? Est-ce que je change la hauteur? Il y a plusieurs paramètres sur lesquels on peut varier. Et donc, en dérivant la fonction, on se rend compte des paramètres qui influent le plus. Alors, en fait, quand on dit 42 degrés, si on lance à 41 ou 43, ça change pas grand-chose. Ça va être vraiment inférieur au centimètre pour la distance d'arrivée. Par contre, il y a une des variables qui est très sensible, c'est la vitesse. C'est-à-dire que si vous changez votre angle de 5%, vous allez vraiment être sur le centimètre. Alors que si vous variez une vitesse de 5%, vous allez plutôt être dans la dizaine de centimètres sur l'arrivée. Donc c'est pour ça, il y a l'angle optimal, je dirais, il y a le résultat du calcul qui va vous donner la valeur de 42, qui est assez amusante parce que c'est pas exactement 45. Parce que ça tient compte de la hauteur du lanceur. Voilà, ça tient compte de la hauteur. Si le poids partait du sol, du niveau du sol, ce serait 45 degrés. Ce serait 45 degrés, pardon. Oui, c'est. Donc la morale de l'histoire, c'est qu'il faut d'abord avoir un bras puissant. C'est ça la première règle. Et ensuite, on ajuste l'angle du mieux qu'on peut. Voilà, donc la conclusion, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être gigantesque pour lancer le poids. Il vaut mieux être très, très musclé, ce qui est en général ce qu'on observe. C'est ce qu'on voit, oui. On va encore changer de sport et passer peut-être, si vous en êtes d'accord, Amandine Aftalion, au basket. C'est vrai que parfois, on est impressionné quand on voit un basketteur qui met un panier, on a l'impression qu'il reste à la même hauteur, comme s'il était suspendu en l'air, comme s'il volait presque. Voilà, on dit souvent ça. C'est un effet d'optique ou est-ce qu'il y a une physique derrière ? Non, il y a de la physique derrière. Sinon, vous ne me poseriez pas la question, j'imagine. Je sais, mais je connais la réponse parce que j'ai lu votre livre, mais tout le monde ne l'a pas lu. Pas encore. Donc, on dit souvent, c'est souvent pour Michael Jordan, on dit qu'il vole, effectivement. Donc, pourquoi ? La physique derrière, elle est un peu la même que pour le poids. Il y a une trajectoire parabolique du centre de gravité. Donc, le centre de gravité, c'est l'endroit qui est à peu près au milieu du corps. Pour quelqu'un qui est debout, de corpulence standard, c'est à peu près au niveau du nombril. Mais ce centre de gravité va dépendre de la position. Donc si je lève mes bras, comme ma masse va être déplacée vers le haut, le centre de gravité va s'élever. si je plie mes jambes, évidemment, il va bouger, etc., etc. Donc, le centre de gravité, c'est une loi qui repose sur les lois de Newton, donc qui sont de la physique ancienne, a une trajectoire qui est une parabole. Mais donc la parabole a un sommet bien défini. A un sommet bien défini, voilà. Mais si la tête reste à peu près à la même hauteur, parce qu'en fait, quand la parabole est décrite, le basketteur va plier les jambes et lever les bras, il va se trouver que la tête reste à la même hauteur pendant que le centre de gravité, lui, bouge. Donc il va y avoir toute une partie de la trajectoire où la tête ne bouge pas et le centre de gravité, lui, a sa trajectoire parabole. Elle ne bouge pas au sens où elle reste à la même altitude. Elle reste à la même altitude, voilà. On a l'impression que le basketteur flotte dans l'espace. Voilà. Alors qu'en fait, il joue avec son corps pour que la position verticale de sa tête soit toujours la même. Alors que son centre de gravité, lui, bouge. Alors que son centre de gravité bouge. Le centre de gravité, c'est quand même une des notions de physique, moi, que je trouve les plus fascinantes. Oui. Pour ce qui est du sport, ça permet de comprendre beaucoup de choses sur les positions. Est-ce que ça donne un avantage de sportif ou est-ce que Michael Jordan, par exemple, il ne faisait ça que pour le spectacle ? Ah, ça, je sais pas. Je l'ai pas interviewé, donc je connaîtrai pas la raison. Je pense que, par exemple, en ballet, en danse classique, où il y a exactement le même phénomène, quand les danseurs, danseuses plutôt, font un grand jeté, elles vont se retrouver avec la tête aussi, qui reste à la même hauteur, tandis que les jambes et les bras ayant bougé, leur corps varie. Et là, je pense que c'est vraiment esthétique, et c'est pour le spectateur. Le basketteur, peut-être, je n'oserais pas me mouiller là-dessus. Il y a une autre histoire où le centre de gravité joue un rôle énorme, c'est le saut en hauteur, évidemment. Avec cette histoire incroyable, en 1968, aux Jeux Olympiques de Mexico, juste après que Bemon, le sauteur américain, a battu le record du monde du saut en longueur, Fosbury invente une nouvelle façon de franchir les barres dans le saut en hauteur. Il invente une technique qui permet à son centre de gravité de passer sous la barre, alors que son corps passe au-dessus de la barre. Voilà. Est-ce qu'il avait théorisé la chose ou est-ce qu'il l'a découverte empiriquement ? Ah, ça, je pense qu'il l'a découverte empiriquement. Je pense pas qu'on était à une époque où on était capable complètement de situer le centre de gravité. Ça, je pense, c'est typiquement une situation où on a étudié la physique après pour comprendre pourquoi ça se passait comme ça. Mais il a battu le record du monde, du coup. Oui. Du premier coup. Du premier coup. Au premier essai. Et je crois que les juges ont contesté l'affaire parce que ça semblait rompre avec les habitudes du saut ventral. Et en regardant le règlement, ils se sont rendus compte que la seule règle qui était imposée, c'est que l'appel se fasse sur un seul pied, ce qui était le cas. Et donc, il a été homologué. Mais le principe, c'est quoi ? Qu'est-ce qui permet au corps de passer la barre ? Le centre de gravité du corps est sous la barre. En fait, dès que vous êtes dans une situation avec, imaginons une situation en pont, comme une gymnaste qui va, ou à quatre pattes même, si on se met à quatre pattes, le centre de gravité n'est plus au nombril, puisqu'on a les jambes qui descendent et les bras qui descendent, donc le centre de gravité est en dessous du corps. Il sort du corps. Il sort du corps. Puisque c'est un point fictif, en fait. C'est le point qui est au milieu des masses. Donc, si vous êtes debout, le milieu, il est quelque part sur vous. Mais si vous avez une position acrobatique arrondi sur vous-même, en fait, ce centre, il va se retrouver à l'intérieur. Si votre corps forme un cercle, le centre, c'est le centre du cercle. Donc, c'est le principe du saut en Fosbury. Si vous êtes plié en deux en arrière, je caricature un tout petit peu, mais c'est un peu ça. Le corps est comme replié en deux. Donc, le centre de gravité, il est au milieu de ce pliage en deux. Mais l'impression que ça donne, c'est que, en effet, on comprend physiquement, mais que la technique est beaucoup plus difficile à acquérir que pour un saut ventral, il me semble. Oui, je pense. On approche la barre en étant dos à la barre, mm-hmm. C'est moins naturel. Et peut-être que la conversion de l'énergie de mouvement qu'on a quand on prend son élan, là, cette conversion est moins efficace que pour un saut ventral. Je crois que c'est vraiment lié à la façon qu'ont les sportifs de planter le pied, ou la perche d'ailleurs, parce que c'est la même technique, avant de sauter. Et ils sont capables de planter le pied en faisant en même temps un mouvement de rotation. C'est sûr que la difficulté du saut en hauteur, c'est de transformer une vitesse qui, a priori, est horizontale, puisque les sauteurs en longueur, en hauteur, ils vont courir presque à la vitesse des sprinteurs. Mais ils se retrouvent avec une vitesse qui est horizontale. Donc il faut qu'ils arrivent à la transformer en vitesse verticale. Et ça, c'est pas efficace et c'est très difficile. Et il y a une perte qui est énorme. Et Bimon, qui, je le rappelais, a battu le record du monde sur longueur. Ben, record qui n'a été battu que récemment, je crois. 8 m45, c'est ça? Je connais plus les records par cœur. Ouais, quelle est la technique qui lui a permis de vraiment franchir un saut, c'est le cas de le dire, dans la performance? Donc là, c'est à nouveau le centre de gravité. L'idée, c'est toujours la même. Finalement, si, c'est très pédagogique. Parce que on a un centre de gravité qui a une trajectoire parabolique. Et ce qu'on veut, c'est qu'en fait, à l'arrivée, il soit le plus bas possible. Puisque plus il est bas, plus la parabole va continuer longtemps. Et donc, la capacité de Bob Beamon a été, dans sa position assise, qu'à s'allonger sur ses jambes pour baisser le niveau de son centre de gravité et du coup aller plus loin. Puisque c'est le centre de gravité qui décrit cette trajectoire parabolique et donc qui s'arrête quand le corps atteint le niveau du sol. Donc les jambes vont vers l'avant, les bras sont aussi vers l'avant. Et on est plié en deux. Donc il diminue sa dimension verticale en fait. Voilà. Bon, c'est facile à dire, mais j'imagine que... Moi j'ai jamais essayé. On parle beaucoup de rugby en ce moment. Alors imaginons que je doive tirer... comment on dit, tirer une pénalité ou une transformation? Là, ce dont je parle, en fait, dans le livre, c'est surtout transformer un essai, puisque souvent, pour les pénalités... Donc, l'essai est marqué à une certaine distance des poteaux, et j'ai le droit de tirer cette transformation de là où je veux, à la même distance du côté. Voilà. Quelle est la distance optimale que je dois choisir pour que mon tir soit et la probabilité de réussir la plus grande possible? Alors là, à nouveau, on peut faire le calcul, mais je pense que les rugbymen l'ont expérimenté sans forcément aller mettre les tangentes, les cosinus et les sinus en équation. Mais comme le calcul est assez simple, c'est dommage de s'en priver. Tout à fait. Alors, en fait, ce qu'on observe, c'est qu'ils reculent. Quand plus ils sont loin des poteaux, plus ils vont reculer. Et parce qu'en fait, le calcul montre que l'angle optimal, parce que finalement, en général, ils arrivent à lancer loin. Mais la vie est une affaire de choix et de contraintes. Donc il y a des contraintes qu'on arrive à bien remplir et des contraintes qu'on arrive à moins bien remplir. Donc pour un rugbyman, en général, pour les champions, ils ont un tir puissant. C'est pas tellement ça leur problème. La difficulté, c'est avoir un tir précis. Donc pour avoir un tir précis entre les poteaux, la plus grande façon d'optimiser leur chance de réussir, c'est d'avoir l'angle d'ouverture sur les poteaux qui est maximal. Et quand vous êtes sur le côté, près de la ligne, près du bord du terrain, l'angle est faible. Et l'endroit où il est maximal, c'est quand vous êtes en fait à la même distance horizontale que verticale des poteaux. Donc c'est pour ça qu'ils reculent à peu près aussi loin qu'ils sont à la distance des poteaux. Parce que s'ils vont plus loin, ça va refermer l'angle. Voilà. Et s'ils ne sont pas aussi loin, ça va aussi le refermer. Voilà. On change de sport ou pas? Allons-y. Peut-être qu'on peut revenir au football. Vous parlez des fameux coups francs de Platini, grâce auxquels il pouvait contourner le mur. Et vous invoquez une force qui s'exerce sur le ballon quand il est tiré ailleurs que dans le vide, en l'occurrence dans l'air. C'est la force de Magnus. Mm-hmm. Magnus était un physicien allemand, je crois, du 19e siècle. Et comment est-ce que cette force permet au ballon d'avoir une trajectoire improbable? Oui, improbable, c'est le mot, puisque il tire, on a l'impression que ça part à droite et en fait ça revient sur la gauche. Donc le goal est soulagé, brièvement. Donc la trajectoire, elle est spirale en fait. C'est-à-dire s'il n'y avait pas les poteaux, s'il n'y avait pas de but de football, s'il n'y avait pas de goal, s'il n'y avait personne, le ballon aurait une trajectoire spirale. Donc c'est ça qui est assez amusant. Alors comment est-ce qu'on arrive à faire ça? En fait, il faut donner au ballon un effet sur lui-même. C'est les mêmes effets qu'il y a en tennis de table, en tennis, sauf que c'est pas dans les mêmes directions. Mais donc, Platini, quand il tapait, donnait en même temps un effet de rotation au ballon. Donc derrière, vous l'avez dit... Il brossait sa balle. Il brossait sa balle. Donc de la droite vers la gauche ou de la gauche vers la droite. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait que ça change la vitesse du ballon par rapport à l'air, puisque l'air circule dans une certaine direction. Si le ballon tourne sur lui-même, il y a un côté du ballon qui a une vitesse plus grande que l'autre côté du ballon. Et ça, il y a un principe de la physique qui se retrouve dans énormément de physique, dans énormément de sports, qui est le principe de Bernoulli. Alors, sans entrer dans les détails, on peut dire de façon simple que les endroits où la vitesse est élevée, la pression diminue. Et si la vitesse diminue, la pression s'élève parce qu'il y a une conservation du carré de la vitesse plus de la pression. Donc si je crée une différence de vitesse entre deux côtés du ballon, en le mettant en rotation, je vais créer une différence de pression. Donc la pression, c'est le fait que l'air pousse. Donc s'il pousse plus d'un côté que de l'autre, il va entraîner une force et cette force va dévier la trajectoire. Donc ça dévie les trajectoires des ballons de foot. Si on tape une balle de tennis ou une balle de ping-pong en donnant un effet avec la raquette, ça fait dévier de la même façon. En fait, c'est la même physique qui est derrière. Moi, je l'aurais dit autrement. Allez-y. Moi, j'aurais invoqué la conservation du moment cinétique. Le ballon tourne sur lui-même sous l'effet du coup de pied, mais il est dans l'air, ça provoque des tourbillons qui s'opposent à cette rotation. Donc les tourbillons tournent dans le sens inverse du ballon. Donc le moment cinétique total, il est diminué, puisque celui du tourbillon s'oppose à celui du ballon. Et comme il y a un principe de physique qui dit que le moment cinétique total doit être conservé, ben le ballon peut pas tourner plus vite sur lui-même, donc il va avoir une trajectoire courbe pour avoir un moment cinétique orbital qui fait que la conservation est garantie. Donc j'aurais relié ça à un principe d'invariance de jauge, pour parler chinois. Alors, c'est la même idée. C'est la même idée. Dans ce que vous dites, vous parlez des tourbillons qui sont autour du ballon. Et c'est très intéressant parce que Platini a raté ses coups francs à Mexico. Un qui était décisif. Un qui était décisif. On s'en souvient. Parce qu'il n'avait pas calculé qu'à Mexico, on était à 2000 mètres d'altitude ou 2500, je ne sais plus. Et donc, plus on est haut, moins il y a d'air. Ou en tout cas, plus la pression, la densité de l'air est faible. Et donc, si la densité est faible, en fait, l'effet Magnus est diminué. Parce que justement, il y a moins de molécules d'air autour du ballon, donc il y a moins de tourbillons et il y a moins d'effets. Ça dépend aussi, j'imagine, des caractéristiques physiques du ballon. Oui, alors ça... Il y a souvent des débats sur les ballons qui sont plus ou moins rapides, qui rebondissent plus ou moins. Voilà, donc c'est comme tout, il faut faire des choix. Le ballon idéal n'a pas été encore inventé par aucune marque. À chaque Coupe du Monde, ils créent un nouveau ballon en essayant d'améliorer par rapport aux Coupes du Monde précédentes. Donc il y a beaucoup de critères qui entrent en jeu. Il y a le fait qu'on ne veut pas que le ballon soit trop ralenti par l'air, mais en même temps, il faut qu'il adhère un tout petit peu parce que tous ces effets Magnus et autres n'auraient pas lieu si le ballon fend l'air trop. Donc il faut quand même qu'il y ait une certaine rugosité. Il faut aussi qu'il ne glisse pas dans les mains du gardien. Et au niveau du rebond, il faut trouver quelque chose qui convient. Donc en fait, il se trouve que dans toutes les dernières Coupes du Monde, ils ont conçu de nouveaux ballons et qu'à chaque fois, donc, on finit par essayer de critiquer les caractéristiques du dernier ballon pour savoir comment sera le prochain. Moi, ce qui m'a impressionné dans le dernier, c'est il y a plus de soudure, c'est thermocollé. Je trouve ça fabuleux. Parce que les premiers ballons, c'était cousu. Mais c'est pas des soudures. Enfin non, pas des soudures, c'est thermocollé. Enfin, il y a plus de. Il y a plus de fil. Il y a plus de fil. Et c'est mieux. Bah visiblement. Alors il y a un autre chapitre qui m'a passionné parce que j'y connais rien. C'est sur la voile. Comment est-ce qu'un voilier peut aller plus vite que le vent? Et vous expliquez d'ailleurs en concluant que quand le vent est arrière, on peut jamais aller plus vite que le vent. Pour aller plus vite que le vent, il faut que le vent arrive avec une direction inclinée, disons, par rapport au sens de marche du bateau. Voilà. Donc, dans l'Antiquité, on connaît bien l'histoire de la guerre de Troie. Les Grecs, plutôt, ont dû attendre très longtemps que le vent soit favorable. Parce que, pendant très longtemps, on ne savait faire des voiles que carrées. Et avec une voile carrée, la seule façon d'avancer, c'est que le vent pousse la voile. Donc, ce qu'on appelle, on a un vent arrière et on avance. Et si au mieux, à la vitesse du vent. Au mieux, à la vitesse du vent. Et encore faut-il que le vent aille dans la direction qu'on attend, parce que sinon, il faut attendre que le vent ait tourné. Donc, les gens se sont vite rendus compte en Méditerranée, parce que les vents changent beaucoup, qu'il fallait faire mieux. Donc, ils ont inventé des voiles qui sont triangulaires, ce qu'on a appelé la voile latine. Et en fait. C'est les Grecs qui l'ont appelé la voile latine, ça m'étonne. Non, j'ai dit, on a inventé. Non, non, pas les Grecs. Non, non, les Grecs, non, non, c'est beaucoup plus tard, la voile latine. Les Grecs ont vécu avec des carrés. Avec leur voile carrée et n'ont pas fait de progrès à ce niveau-là. Donc ils ont donc on a fait évoluer les formes des voiles et donc l'effet dont vous parlez est lié à la forme de la voile et à son orientation. Donc le principe de physique qui est derrière, c'est d'une certaine manière le même que pour l'effet Magnus, c'est le principe de Bernoulli. C'est-à-dire pour pousser une voile, on comprend bien qu'il faut que la pression ne soit pas la même sous la voile et sur la voile. C'est-à-dire si j'ai une pression plus forte d'un côté, ça va pousser la voile et ça me crée une force et bingo, le voilier avance. Et pour ça, donc, il faut créer une différence de vitesse de circulation de l'air autour de la voile. D'où la forme de la voile et l'orientation par rapport au vent qui permet d'utiliser le vent, d'utiliser pour s'orienter différemment et avoir une force qui peut être plus importante. Mais est-ce que ça se fait de façon empirique ou est-ce qu'il y a des programmations possibles de l'orientation de la voile qui permettent d'optimiser les marins, les gens qui font de la voile sont très au courant. Alors, le vélo, c'est une forme de voile dans certaines situations. Pourquoi est-ce que vous expliquez qu'il ne faut pas toujours trop baisser la tête à vélo, notamment dans les contre-la-montre, quand on a un casque profilé, etc. Et si on baisse trop la tête, ce qui, je croyais, était recommandé dans la plupart des cas, eh bien, on perd de la vitesse. Bon, là, la question est un peu provocante. Il y a certaines questions du livre qui sont un peu faites pour attirer la curiosité du lecteur et qui se demandent... Vous voulez dire que ce n'est pas tout à fait vrai ? C'est-à-dire trop baisser la tête. Donc, ce qui se passe, c'est que, là aussi, on est dans l'aérodynamique. Un cycliste à vélo va vite. A priori, celui qui a un casque. Parce que ça concerne les gens qui vont vite. Si vous allez vraiment lentement... En Vélib, ça va. Voilà, en Vélib, le casque n'est pas obligatoire et vous prenez pas de risque. Il vaut mieux en Vélib, de toute façon, regarder la route et regarder les gens autour de vous que viser la vitesse, je pense. Donc, pour un cycliste professionnel qui est sur un contre-la-montre et qui veut vraiment aller vite, ils ont des casques aérodynamiques qui sont faits pour fendre le vent de la meilleure façon possible. Alors, ils fendent le vent, certes, mais il y a des petits tourbillons, comme ceux autour du ballon de football, qui vont se former derrière le casque. Et donc, ce qu'il faut, c'est arriver que ces tourbillons soient les moins nombreux possibles et prennent une forme la plus petite possible. Donc, le casque est fait pour une inclinaison de... Souvent, les gens ne le savent pas. Le casque est fait pour une inclinaison de tête très précise. Si vous relevez la tête ou vous baissez la tête par rapport à l'inclinaison optimale, en fait, Vous augmentez les tourbillons et il vaudrait mieux ne pas avoir de casque. Mais il est évident que quand on suit un cycliste, on est aidé par le fait que on profite du fait que lui devant diminue la pression à laquelle on a affaire. Voilà. Donc on est aidé par la présence d'un coureur devant soi. Mais ce qui est peut-être moins intuitif, c'est que quand on est suivi par un coureur, on est également aidé. Oui. Un peu moins, mais on est aidé. Ça, souvent, autrement dit, un coureur qui est suivi va plus vite qu'un coureur tout seul. Voilà. Et c'est vrai en natation aussi. C'est-à-dire, si vous nagez derrière quelqu'un, il y a une forme d'aspiration. Et si quelqu'un nage juste devant quelqu'un, il bénéficie aussi d'un petit effet... Mais moins net, j'imagine. Moins net. Et qu'est-ce qu'on appelle l'effet de bordure en vélo ? C'est quand on est plusieurs, il y a un vent qui arrive de côté. Et parfois, le peloton se casse en deux par un effet de bordure qui est très difficile à rattraper. Ceux qui sont largués ont du mal à revenir à cause du vent. Oui, parce que, si vous voulez, moi, j'aime bien l'expliquer ça avec les oiseaux migrateurs. Quand vous regardez le ciel, les oiseaux migrateurs, ils ont toujours leur... ils se mettent toujours sous une forme très particulière. Et c'est parce qu'eux, ils n'ont pas étudié la physique, mais ils ont compris qu'il y a une façon de limiter le vent qu'on reçoit. Et donc, à vélo, c'est la même chose. Ça dépend si le vent est complètement de face ou de côté. S'il est de face, le mieux, c'est d'être les uns derrière les autres. Mais s'il est de côté, il faut avoir une orientation de biais qui fait qu'on optimise, en fait, l'effet de, pas d'attraction, mais de limite du vent lié au précédent. D'accord. On va changer de sport. Le ski, par exemple. Il y a un résultat qui est bien connu, mais que vous expliquez très bien dans le livre. C'est si on prend quelqu'un qui tombe en chute libre, en parachute par exemple. Il tombe pas dans le vide parce que il éprouve la résistance de l'air. Vous montrez qu'un skieur peut descendre une pente plus vite qu'un homme en chute libre. Oui, ça paraît très paradoxal. C'est 200 km/h à peu près pour un homme qui tombe en chute libre. Il y a des skieurs qui arrivent à descendre verticalement à 250 km/h. Oui. Comment ça peut se comprendre ? Donc ça, c'est quelqu'un qui est en chute libre a une position qui est un peu en araignée au-dessus de l'air. Donc il est à plat et il tombe. Donc en fait, il y a une résistance de l'air qui est bien plus importante. Mais il n'est pas obligé d'être à plat. Non, il n'est pas obligé d'être à plat, mais... Il pourrait prendre la même position que le skieur, finalement. Et à ce moment-là, il tomberait vertigalement plus vite que le skieur. Ça, vous posez une bonne question, mais je ne sais pas si les gens ont essayé. Je crois qu'il... Peut-être que ce n'est pas possible à cause de la résistance de l'air. Je ne sais pas si c'est possible. Je sais pas. Je pense que... Alors là, pour le coup, c'est très dur de tenir... Le skieur, quand il est sur une piste, donc il y a la... Comment dire ? La réaction du sol qui oriente sa trajectoire. Le sauteur, imaginons qu'il saute vertical, un peu comme un plongeon. Vous rendez bien compte que s'il dévie très légèrement, il y a un moment qui va le faire bouger. Donc tenir sa position très verticale ou la position du skieur dans l'air, si vous n'avez pas un sol qui vous retient, je ne pense pas que ce soit possible. J'ai une autre question à propos du... Je reviens au vélo. Il paraît que dans les compétitions sportives, les courses de vélo sur piste, on chauffe la piste du vélodrome. Est-ce que c'est pas une forme de dopage technologique ? Enfin, thermique en l'occurrence. Alors, non, parce que c'est la même chose pour tous les coureurs, mais pourquoi est-ce qu'on fait ça ? Donc c'est très désagréable pour les spectateurs, visiblement. Ils l'ont fait à Londres. La première fois, ça a été fait à Londres en 2012, parce que les Anglais ont vraiment fait, pour les Jeux Olympiques de Londres, tout ce qui pouvait être imaginé avec la science. Donc ça, ils ont en particulier calculé que la traînée est diminuée à plus haute température. Donc ça vient du fait, si vous chauffez, l'air va prendre, les molécules d'air vont occuper plus de place, donc la densité de l'air diminue. Plus on chauffe, entre 0 et 37 degrés, alors j'ai plus le chiffre en tête, mais la densité de l'air diminue. Et donc si la densité de l'air diminue, la force qui s'oppose aux coureurs cyclistes diminue. Et diminue de manière tout à fait notable, qui fait qu'ils ont décidé de faire ça pour que les cyclistes aillent plus vite. Et ça a été mesuré, c'est, de fait, ils sont allés plus vite. Mais est-ce que si on n'impose pas la même règle partout, ça ne va pas créer une forme d'injustice entre les vélodromes ? Donc, en général, dans les compétitions sportives, il y a des règlements qui sont très stricts, qui mettent un certain nombre de règles, et puis après, tout ne peut pas être dans les règles. Donc, la température ne fait pas partie des règles des vélodromes. Et moi, je trouve que les Anglais ont fait fort sur... Amandine Aftalion, j'ai une question à propos d'un sujet dont on parle beaucoup, qui est le big data, l'intelligence artificielle. Est-ce que vous pensez que la prise en compte de données multiples, analysé par des algorithmes, va permettre de trouver des recettes pour que les records soient battus, pour que les performances soient meilleures, pour que les entraînements soient plus efficaces? Ou est-ce que vous pensez que les lois physiques que vous expliquez très bien dans ce livre sont suffisantes pour connaître l'essentiel des choses qu'il y a à faire quand on pratique un sport donné? Alors, vous posez une question compliquée en deux questions. Donc, je dirais que moi, je viens d'un monde où on m'a appris à écrire des équations, où on m'a appris les lois, donc la loi de Newton pour la mécanique, les lois de conservation de l'énergie, où dans les modèles sur lesquels j'ai travaillé, j'ai rajouté des lois pour décrire le mental des coureurs. Il y a des lois pour le mental ? Oui, j'ai discuté avec des gens à l'Institut du cerveau et de la moelle à la Pitié-Salpêtrière qui ont commencé à faire ça, qui ont commencé à modéliser. Je ne sais pas si vous avez tendance à procrastiner. Mais ils ont écrit un article sur pourquoi c'est mieux de procrastiner. Et ils l'ont montré avec un... Dans tous les domaines ? Disons, un problème mathématique de coûts et bénéfices. Donc, je ne vais pas entrer dans le détail. C'est juste pour vous dire que voilà, il y a des lois, il y a des équations. Donc, la loi de Newton pour la mécanique, la loi de l'énergétique. J'aime bien modéliser le fait qu'on a un cerveau, donc on n'est pas juste comme une table ou un sportif, c'est quelqu'un qui a un cerveau, donc il faut y mettre le contrôle moteur, le mental, sous la meilleure façon de modélisation possible. Et avec ça, on comprend beaucoup de choses, et surtout, on est prédictif. C'est-à-dire, on peut dire, voilà, si je me muscle, si je m'entraîne, Si je dors, si je me repose, si j'augmente ma VO2, si je vais en salle de sport et je me muscle, comment est-ce que je vais changer ma performance ? Les data, ça donne toute une série d'informations, mais je dirais que pour être puissante, il faut qu'elle soit couplée aux équations déterministes et prédictives. Mais par exemple, un sélectionneur de football ou de rugby peut analyser le jeu de l'adversaire en comptant, par exemple, grâce à un algorithme, les passes réussies, les tactiques des uns et des autres, et optimiser sa propre composition d'équipe pour tenir compte de ce qu'il a appris grâce aux données. Oui. Ce n'est pas plutôt sur la performance, c'est plutôt une analyse tactique du jeu de l'adversaire qui est rendue possible par les données. Alors là, sur ce dont vous parlez, il n'y a pas que les données. Il y a quand même des modèles derrière, alors soit en de vision par ordinateur qui vont calculer des choses, ou des modèles qui vont calculer les positions et les positions optimales. Donc pour être vraiment utile, il ne faut pas juste utiliser des données, il faut les coupler à un certain nombre de modèles. Alors moi je pense qu'il y a des choses qui n'ont pas encore été assez faites pour l'instant. On utilise les data et ces équipes comme des gens individuels. Et je pense qu'il y a le jour où on fera vraiment des progrès dans la modélisation, on utilisera plus une modélisation collective. Vous voyez par exemple quand on voit la table là, sur laquelle est posé mon livre, elle est faite de plein d'atomes. Mais pour comprendre qu'elle est à l'équilibre, on n'a pas du tout besoin de comprendre qu'il y a des atomes à l'intérieur. Et une équipe, pour moi, le jour où on fera vraiment un progrès dans la modélisation, on n'étudiera plus les atomes et les joueurs de manière individuelle, mais on arrivera à une modélisation plus macroscopique, avec peut-être quelque chose style une fonction d'onde pour comprendre ce qui doit se passer. Une fonction quantique qui serait une sorte de dopage technologique finalement. Finalement, c'est un peu ça, oui. Alors, on va parler, pour finir, de chimie, ça va nous changer, de la physique. Vous dites, dans l'un des chapitres, qu'il ne faut pas abuser des tests antidopage, au sens qu'ils ne font pas en faire trop. Quel est l'argument qui est un peu contre-intuitif ? Donc là, c'est un petit calcul de probabilité assez simple, qui montre qu'en fait, un test antidopage, il a une limite, c'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de cas où il se trompe. Donc, dans il n'est pas livre. Toujours complètement fiable. Voilà, il n'est pas toujours complètement fiable. Pourquoi ? Parce que le corps humain peut produire la substance naturellement ou parce que au moment où on fait l'analyse, il y a une erreur. Donc, il y a une erreur d'incertitude sur le test. Et en fait, il y a des athlètes dopés, des athlètes pas dopés. Et donc, je montre que si l'erreur d'incertitude sur le test est à peu près 10%, s'il y a à peu près 90% des athlètes qui sont pas dopés, finalement, il y a un risque sur trois pour un athlète non dopé de donc, se retrouver testé. Il y a trop de faux positifs. Voilà, il y a trop de faux positifs. Mais ce n'est pas en diminuant la fréquence qu'on va arranger le problème. C'est plutôt en augmentant l'efficacité des tests. Voilà, mais ça, il y a une limite technologique pour l'instant. Enfin, technique, chimique, je ne sais pas comment il faut dire. Dernière question, Amandine Aftalion, pardon. Est-ce que les sportifs de haut niveau ont des cours de physique qui leur expliquent les grandes équations qui permettent, comme vous le faites dans ce livre, de comprendre la physique de l'activité physique? Alors écoutez, moi je ne côtoie pas beaucoup de sportifs de haut niveau, donc je ne sais pas exactement quelle est leur formation. C'est sûr qu'en France, si on enseignait un peu plus la physique aux sportifs, ce serait utile. Mais peut-être qu'en faisant du sport, on apprend un peu de physique. Ça, c'est sûr. De façon empirique. En tout cas, merci Amandine Aftalion d'être venue nous parler de votre livre qui s'intitule « Pourquoi est-on penché dans les virages ?» sous-titre « Le sport expliqué par les sciences en 40 questions ». Tout de suite, nous retrouvons Alexandra Delbault pour sa chronique « Avec science ». De l'ARN ancien a été isolé pour la première fois à partir d'une espèce éteinte. Cette espèce, c'est le tigre de Tasmanie, son vrai nom, le thylacine, à ne pas confondre avec le diable de Tasmanie, mais il fait partie de la même famille des marsupiaux, des animaux qui portent leurs petits dans une poche ventrale. Il avait à peu près la même morphologie qu'un gros chien et des bandes sur le corps comme un tigre. Et s'il a disparu, c'est qu'il a été chassé, non pas pour sa fourrure, mais parce qu'on pensait qu'il était dangereux pour l'élevage des bêtes, notamment des moutons. Petit à petit, son périmètre de vie s'est restreint à l'île de Tasmanie et des mesures de protection n'ont été envisagées que trop tard, une fois que la population de thylacine était déjà réduite à un très petit nombre d'individus. Les derniers ont été abattus dans les années 30 et l'espèce a été officiellement déclarée éteinte en 1986. Mais comment veut-on extraire quoi que ce soit si l'espèce a disparu ? Eh bien en fait, on dispose de quelques spécimens sous la main, notamment dans les musées. Et ce qui est intéressant, c'est que les animaux des musées, pour être conservés le plus longtemps possible, sont séchées, ce qui préserve cette molécule très particulière qu'est l'ARN, l'acide ribonucléique. Zoé Pochon est chercheuse au Centre de paléogénétique de l'Université de Stockholm. Finalement, l'ADN peut être représenté par un livre de recettes et chaque cellule va décider finalement différentes recettes qu'elles vont vouloir faire à partir de cet ADN. Par exemple, les cellules à peau ont décidé de faire des recettes qui les permettent d'être une barrière avec l'environnement, tandis que les cellules du muscle vont essayer de faire des recettes qui les rendent plus élastiques. Et finalement, cet ARN, c'est ce que les cellules décident d'exprimer à partir du code génétique qu'elles ont à disposition. Et en fait, ce sera ensuite traduit en protéines dans ces cellules. Il faut essayer de se présenter qu'il y a très, très peu d'études finalement sur l'ARN ancien. Je pense qu'on peut presque compter les études qu'il y a eu pour l'instant sur les doigts de la main, tandis qu'il y a une quantité d'études qui ont été faites sur l'ADN ancien. Et puis, l'une de ces raisons de ce phénomène, c'est qu'on pense que l'ARN est une molécule très fragile, ce qui est le cas, elle est beaucoup moins stable finalement que l'ADN. Donc, il faut que certaines conditions environnementales soient réunies pour que l'ARN soit préservé. Et c'est en ça que les spécimens de musée sont parfaits. Ils sont tout secs. Le terme scientifique, c'est dessiqués. Ils ont perdu toute leur eau. Cette équipe a donc récupéré des morceaux de peau et de muscles pour ensuite extraire les ARN, les multiplier avec les techniques de PCR qu'on connaît tous maintenant, et finalement les séquencer. Les informations contenues dans ces ARN ne révèlent rien d'inattendu, mais concordent avec les échantillons prélevés. Ce qui montre qu'isoler de l'ARN ancien est possible, et c'est une première sur une espèce éteinte. Finalement, dans cette étude, on a voulu montrer que l'expression était différenciée entre une cellule du muscle et une cellule de la peau. Mais c'était plutôt finalement pour nous une preuve de concept qu'il était possible de récupérer l'ARN. Et ce genre d'étude montre la faisabilité de ce genre d'analyse. Et finalement, ça dépasse presque mon imagination de savoir tout le genre d'études finalement qui vont être possibles maintenant si on décide d'analyser l'ARN de tas de spécimens qui viennent des différents musées d'histoire naturelle du monde. Mais on peut imaginer, par exemple, qu'on pourrait étudier quels gènes sont exprimés dans les différentes cellules d'organismes qui sont éteints. Donc, ça nous apporte plus d'informations sur ces organismes qu'on ne peut pas étudier aujourd'hui. Et puis, étudier l'ARN ancien, ça ouvre énormément de portes dans ce qui est du domaine, finalement, de la recherche sur les maladies anciennes. Quand on essaye d'étudier les maladies du passé en se concentrant que sur l'ADN, finalement, on manque tout un pan de l'histoire des maladies. Et étudier finalement l'ARN ancien permettrait de compléter un peu cette image. Parmi les virus à ARN, on trouve bien sûr le SARS-CoV-2, aussi celui de la grippe, de la rougeole, de l'hépatite C. Bref, le champ des possibles est immense et à cela s'ajoute l'étude des virus piégés dans le permafrost qui décongèle progressivement. Mais est-ce que cette technique pourrait permettre de faire revivre cette espèce disparue? Est-ce qu'on pourrait la déséteindre? C'est une thématique dont on entend beaucoup parler en ce moment, mais il faut dire que ce n'était pas l'objectif de cette étude. En revanche, s'il est envisagé à terme de reproduire le tigre de Tasmanie ou une autre espèce disparue d'ailleurs, il faudra incorporer ces possibilités techniques et connaissances sur l'ARN ancien et ne pas seulement se limiter à l'ADN. Merci Alexandra Delbeau et merci à vous Amandine Aftalion. Je recommande la lecture de votre livre « Pourquoi est-on penché dans les virages ? Le sport expliqué par les sciences en 40 questions » qui vient de paraître aux éditions CNRS Éditions. C'était la conversation scientifique par Étienne Klein avec la collaboration de Thierry Beauchamp, à la technique Grégory Wallon et à la réalisation Luc-Jean Reynaud. France Culture, l'esprit d'ouverture.